Génération, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial entourage. Passez une bonne soirée, bienvenue, c'est Planète Rap, un nouveau Planète Rap massif cette semaine. Vraiment. Avec de jeunes entrepreneurs, comme il l'indique même sur ce premier album du collectif L'Entourage. Comment ça va, messieurs? Bien, et toi, Fred? Bah écoute, il y a une partie là de l'entourage, hein. Il y a encore une autre partie qui va arriver. Le S-Krooms. Il y a une partie qu'on appelle le S-Krooms. C'est le S-Krooms. Il y a Flav aussi. Même deux œufs. Ah ouais, il y a le S-Krooms. Le S-Krooms 900. Le Flav S-Krooms. Ouais, le Flav S-Krooms. Bon, bah bienvenue à vous tous. C'est une partie donc qui va arriver, mais je suppose que ils sont en chemin, ouais. On faisait des dédicaces à la Fnac de Bercy. Et donc, il y a des gens qui sont un peu en retard, ils sont en chemin. Non, mais je me doute qu'en plus, pour tous vous réunir d'ailleurs en même temps en studio, ça devait être assez une aventure humaine assez incroyable. On a dû partir en Ardèche pour se réunir tous. Sur Paris, c'était pas possible. Ah, vous êtes tous partis à un moment et vous avez dit il faut aller ailleurs pour enregistrer. Il faut s'enfermer, tu vois. On avait des exemples de rap Sefran comme le Sayan et tout qui s'était enfermé, tout ça, et ça nous avait toujours fait rêver. Puis on s'est dit que pour une question de logistique, c'était un peu obligé. Donc pour cet album, d'être tous ensemble au même endroit au même moment et pas bouger, pas trop bouger. On a bougé en plus parce que il y en a dans certains d'entre nous qui étaient en tournée, donc on faisait des allers-retours entre l'Ardèche, les dates de concerts qu'on faisait, on revenait. C'était un beau bordel. Bon, bah, très bien, on va découvrir donc cet album 100% ardéchois. Non. Il est en grande partie parisien. Enregistré donc en Ardèche. Non, et aussi à Paris, dans le studio Blackbird de DJ Elite. Mmh. Bah, d'ailleurs, on a déplacé le studio Blackbird en Ardèche. Il est devenu volant. Le Blackbird volant. Bah, voilà. Ça lui va bien, Black Pearl. C'est ça. Bon, l'entourage est sorti aujourd'hui, ça cartonne déjà, numéro 1. Ouais. Yes. Déjà numéro 1. Ça fait plaisir. Donc voilà, beaucoup de gens, dites-nous si vous avez récupéré l'album, vos morceaux préférés, allez-y, vous balancez avec le hashtag l'entourage sur Skyrock. J'aimerais bien, juste avant de débuter et de passer un premier morceau, qu'on rappelle un peu l'historique de l'entourage, pour ceux aussi peut-être qui vont vous découvrir. Alors il y a évidemment plein de rappeurs au sein de l'entourage, certains sont connus, d'autres encore un petit peu moins. Mais qui revient un peu sur l'historique et ce qui a amené à faire cet album en commun et ce premier album pour l'entourage finalement. Bon, je m'y colle, moi je suis rodé. Allez, c'est parti. L'entourage, c'est un collectif parisien qui est composé de plein de rappeurs qui sont tous connus, pour certains depuis très longtemps et pour d'autres, en tout cas la majorité en 2007-2008, à une époque où on sillonnait les open mic chacun dans nos arrondissements respectifs, et pour certains même dans le sud pour Dean. Et en fait, très vite, c'était le nom d'une bande de rappeurs qui étaient potes entre eux. Et qui, tu vois, moi j'étais avec le S-Crew, il y avait 1995, une partie des membres qui était à l'époque le POS. Il y avait Doom, son gars. Tu vois, on était une genre de grande fratrie où il y avait pas vraiment de limite sur qui faisait partie de l'entourage. Et truc de fou, on a commencé à se faire connaître sous cette appellation-là, à un moment où on faisait des clashs. Des battles, etc. Et du coup, on a dû définir un peu ce que c'était. Les gars qui étaient les plus motivés, les plus déter sont restés. Toujours là. Et voilà. Et donc, c'est formé de du S-Crew, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc, Deuxer, Framal, Mekra, moi-même, Nexus. Qui sont là ce soir. Qui sont là. Ouais, on est là. Mm-hmm. De Dooms. Dooms qui est là présent, aussi. Ce soir. Qui fait partie de Two Things. De Funky Flav de 1995, Alpha de 1995. Ensuite, il y a Jean, Burbigo, il y a Jazzy Bass, il y a FG. J'oublie personne. Il y a Nestlé, mon gars Kenji Cotton et. Abou. Et voilà, ça c'est la famille, c'est l'entourage et. Bah c'était clair en tout cas. Voilà. C'est à peu près clair. Bande de potes, voilà. Un collectif qui est composé de plusieurs groupes et il y en a, ils ont des groupes chacun à droite à gauche, voilà. Et des rappeurs solo. Et finalement, cette idée d'album, il est né il y a longtemps. C'est vraiment que vous y rentrez tous en studio. Bah ouais. Pour un album en commun du collectif, parce qu'on en parle depuis un moment. Moi, chaque fois quand je vous recevais, il y aura l'album de l'entourage qui va arriver. Bah à l'époque, en fait, c'était pas vraiment réalisable. On avait vraiment aucun moyen. On était juste, on avait des morceaux l'entourage entre guillemets, estampillé l'entourage, mais qui étaient même pas enregistrés en fait, parce qu'on avait même pas de studio, on avait rien. Du coup, on a toujours eu l'envie de faire un scud ensemble. On faisait des sons ensemble à droite à gauche. D'ailleurs, si tu regardes sur tous les projets qui sortent de l'entourage, il y a souvent des membres qui sont là, qui sont greffés. C'est un peu une tradition, quand on peut, en tout cas selon les agendas. Et donc, ben voilà, cet album, on l'a toujours eu en tête. Comme tu dis, tu vois, on bosse dessus depuis longtemps. Et comme il disait Deuxer aussi, en fait, on a dû se réunir et s'enfermer dans une baraque pour le faire, parce que ça faisait 3 ans qu'en fait on faisait du son, mais on n'était pas satisfait de tous les morceaux. Il y en a qui commençaient à vieillir. On faisait un morceau tous les 2 mois, tu sais, ça mettait beaucoup de temps. Ouais, c'était super difficile parce qu'en fait, chacun avait ses propres bails, ses concerts, ses clips, ses projets solo. Et donc, fallait forcément s'organiser. Et c'était super difficile, ce pari, de tous se réunir en même temps pour écrire un son. Et comme il a dit, c'était vraiment tous les 2 mois. Bon, là, c'est fait en tout cas. C'est fait, là. Ça y est, dans les jeunes entrepreneurs, il est dans les bacs. Le premier album du collectif parisien. C'est une grande fierté. L'entourage. Ouais. Et on va le découvrir. On va débuter avec un premier morceau. C'est parti. Ouais, vas-y. C'est comme ça le premier morceau. Comme ça, comme ça, ouais. C'est un morceau Escrooms. Donc, bah là, vu qu'il y a que le Escrooms qui est flag aussi, mais. Donc, on va essayer. Et bah, ça tombe bien. Ouais, voilà. Allez, c'est parti. Coup d'envoi. Ça comme ça, comme ça. Encore une soirée dans Panama. Le lendemain, les gens travaillent. J'ai pas d'entrave. Je sors tard et je rentre ravager. Mes go calcine. Avec mes pantalons tassés. Je sors le temps d'enfiler. Mon pantalon froissé. Il fait un temps à surfer. Une sœur m'a dit qu'elle sortait avec ce que j'ai absorbé. Hier, j'ose pas l'embrasser. On partage un sorbet ensemble. On se remet en scène. Des sorts nets et je repense à l'an passé. Comme chaque été, chacune de mes têtes était sous grosse cam. Dans le zoo, à péter des tailles de Zubroska. Avec des sous pour mes poches, trompe pour remplir les poches. On les pochoirs, les poches. Chiche kebab, sous poids. Chiche que demande le peuple. Je me contente de peu. Peu de monde le peut, moi je peux. Avec autant de bœufs, j'entends des puffs, puffs. Des tout grâce. Pour ref, si t'es peuf, fen et tour as. Je débarque dans la fête, c'est la traque. J'suis insolent tel un dragueur. J'ai fini la tête sous un collant tel un braqueur. Je sais m'y prendre bébé, c'est mi pro. L'entourage. Je parle pas que de ce micro. J'aime les bitches comme ça qui font des pipes comme ça. C'est vrai que dit comme ça, ça fait ça dit comme ça. Y'a pas que des filles comme ça, mais dans un lit comme ça. Hey, je préfère les petites clubs ça. Vrai, vrai. J'ai des bitches comme ça, j'ai des chutes comme ça. Si t'as de la weed comme ça, on roule à split comme ça. Si t'as de la tif comme ça, on passe une nuit comme ça. C'est la galère dans Paris comme d'hab. Jeunes entrepreneurs, depuis le ventre s'est mis dans les bacs. L'entourage, depuis aujourd'hui, yeah. Je reste brave, c'est ça. Dans ma vie, je suis le king des pas. Je suis la banquise de ville qui te guettera. Oui, c'est la routine qui fait devenir témoin. Très calme, le nécra. Mais si tu me casses les proues, je te quiebras. Vrai ça, Westside. De Paname, c'est mon Jekar, ne t'es pas. Donne pas ton avis si tu n'as pas le sang chaud, gros. Je mets le montre de pied, c'est un train fantôme. Lâche l'affaire, toi tu pètes les plombs. Moi, y'a que pour les bières que je préfère les blondes. Je fais partie de ces gens trop sincères pour ce monde de vicieux. Donc j'ai pas prévu de plan B, mais tu m'as jamais vu trembler. Pourtant, une vie peut s'échanger contre des mille œufs pendant que je longe le vide. J'aime pas parler du danger, faut des basses souffles. D'une atroce stérilité pour te duper, c'est les filles. Bien que les salopes ne cessent d'imiter, je suis qu'un homme, j'aime les femmes à forte fertilité. Mais je préfère mon équipe que seule la mort devrait diviser. Et je prétends pas résoudre les problèmes du monde. Je veux juste être honnête avec mes collègues, ne jamais déconner. Pour le gros terre, je suis de blonde. J'ai une dent contre ce pays que les commerces surjouent. J'ai des bitches comme ça qui font des pipes comme ça. C'est vrai que dit comme ça, ça fait ça dit comme ça. Y'a pas que des filles comme ça, mais dans un lit comme ça. Hey. Je préfère les petites clubs ça. On voit une tige comme ça, j'ai du shit comme ça. Si t'as de la weed comme ça, on roule à split comme ça. Si t'as de la tease comme ça, on passe une nuit comme ça. C'est la galère dans Paris comme ça. J'aime les bitches comme ça, qui font des pipes comme ça. C'est vrai que dit comme ça, ça fait ça dit comme ça. Y'a pas entourage, comme ça, le 26 mai. Hey, je préfère les petites clubs ça. On voit une tige comme ça, j'ai du shit comme ça. Si t'as de la weed comme ça, on roule un split comme ça. Si t'as de la tease comme ça, on passe une nuit comme ça. C'est la galère dans Paris comme ça. Yeah. Yeah. Yeah. J'ai grandi dans le 15, près des roues, les immeubles et près des sourds noirs. C'est quand t'as plus dosé que les gens les sourds voient. Y'avait des gens bizarres, mais surtout des bastons. J'allais au Champ de Mars à la recherche de bastos sous pastis. On était clean, hold black avec de la weed comme ça. Avant que les flics s'observent, on a tout mis dans ça. Jeunes entrepreneurs dans les packs. Jeunes entrepreneurs, c'est le nom de cet album, le premier pour l'entourage entre 20h et 21h. Et ça se remplit, ça se remplit. J'ai vu KFG débarquer aussi. Jazzy Baz est arrivé. Jazzy aussi. Jazzy Baz est là aussi. Ouais. Ça arrive tranquillement, ça arrive tranquillement. On va avoir, je pense, normalement, tout le crew. Ouais. Ou presque. Ah, ou presque. Alpha, il est à Amsterdam, là, il mixe des morceaux sur son label Dandada. Donc Alpha One. Ouais, malheureusement, Alpha One n'est pas là. Et Lo non plus, il est pas là. DJ Lo. Si on arrive à avoir tout le monde une fois dans la semaine, franchement, c'est grosse performance, je pense. Non, on va y arriver. On est que lundi. Lundi, Flav, pourquoi c'est mieux. Tu penses que ça va être compliqué? Oh non. Bon, c'est dans les bacs depuis aujourd'hui. C'est déjà numéro 1 en téléchargement légal, je précise. Et puis, il y a aussi une version collector que je vois devant moi, magnifique. S'il en reste encore. S'il en reste encore. Donc, dépêchez-vous. Le CD, le vinyle qui va avec, le t-shirt collector de l'entourage. On peut le montrer, ceux qui ont les images sur le skyrock.fm, vous le voyez actuellement. C'est une belle collection, hein. C'est de la taille d'un vinyle, mais massif. Et il y a des instrus dedans aussi pour ceux. On dirait une boîte de pizza. Il y a une pizza dedans. J'ai une orientale. Bon, Jeunes Entrepreneurs sur Skyrock, c'est l'entourage avec nous entre 20 et 21. Flav, tu veux dire un mot, toi, justement, toi qui fais partie des plus, j'ai envie de dire, carrés de l'équipe. Non, c'est parce faux. Que... C'est faux? Il est modeste. Moi, je suis content parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Au début, quand on en a parlé, on se dit, personne n'y croyait vraiment, mais bon, voilà quoi, les choses se passent et on y est. Vous, oui, vous y croyez. Il y en a qui y croyaient, il y en a qui y croyaient pas. Moi, j'ai toujours eu un petit doute. Ah, c'est vrai? Ouais. Tu faisais partie? Bah oui, c'était compliqué. Ouais, de réunir tout le monde. Surtout quand on a eu les premiers morceaux et qu'on se disait que, bon, voilà quoi, c'était. On se disait, si c'est ça, bon, c'est pas à la hauteur. Et puis finalement, comme on a tout effacé la première version et qu'on a tout repris à zéro. Et comment t'expliques justement, c'est quoi? C'est parce que vous étiez pas tous ensemble, voilà, que vous aviez besoin Non, c'est parce qu'on avait besoin de faire des morceaux ratés pour faire des bons morceaux, tout simplement. Mine de rien, ouais. Ouais. Comme tout le monde. C'est réussi, là, vous êtes contents de l'album, tous. Super. Je suis content, on est archi fiers. Très fiers. C'est du bon job. Ouais. Les prods, on dit un mot sur les gens qui ont bossé. Alors j'ai vu deux trois noms. Il y a DJ Elite d'ailleurs qui a fait la prod de Comme Ça. Qui est là, qui est au platine et qu'on retrouvera au platine tout à l'heure. Au platine. Il y a One Up World qui ont fait trois prods. Il y a Mitch Buchanan qui a fait une prod. Time. Il y a Head Showtime. Deux prods. Il y a Soupa Fou. Il y a Vaccin. Exactement. Il y a DJ Lo aussi, le gros chien. J'ai vu Clément d'Animal Son aussi. C'est vrai. Il y a pas mal de monde. Il y a Dean qui vient d'arriver aussi, que j'avais pas vu, qui est là. On est quasi complet. Ouais, c'est pratiquement complet. Pratiquement. Alpha, c'est bon là. Juste le donne. Donc, ouais, pour les prods, pareil, c'était un choix particulier aussi. Les prods, est-ce qu'il y avait une direction un peu artistique sur l'ensemble des producteurs? Chacun a ramené un maximum de prods et après, c'était. On a voté. Au feeling, chaque prod. Ouais, c'est ça, ça se passe par vote. Bah, en fait, c'est main levée. Ouais, voilà, exactement. On est obligé, sinon, on peut pas se sentir, tu vois. Et genre, on a fait défiler les prods. Et chaque MC qui était intéressé par la prod levait la main. Et au final, on tire au sort parce qu'on pouvait pas être trop non plus dessus. Et au final, on a fait comme ça. Ouais, c'est bien. Feeling. On a levé dans les deux sens du terme. Souvent, c'est assez chaud. Est-ce qu'il y a eu des grosses discussions, justement, autour de cet album? Le mot est faible. Il y a eu des débats sans fin. Est-ce qu'il y a eu des débats? Il y a eu des vraies bagarres. Des nuits. Des bagarres. On a organisé des espèces de combats de lutte. C'est un genre de scénario. Régler tous les problèmes. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup FJ sur l'album. Il a souvent gagné. C'est Gab. Non mais c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Il y a eu beaucoup de morceaux enregistrés ou pas sur y a eu, ouais, franchement, j'ai pas tenu le compte, mais j'ai entendu Dooms dire qu'il y avait 40. Donc ça doit être sur les deux semaines en Ardèche. Tiens, 19 morceaux en Ardèche sur la session Ardèche, donc dans la villa là, on a fait 19 morceaux en deux semaines. Ouais, donc on avait une trentaine de morceaux au moins, en tout cas 33, je crois. 33, voilà, c'est un beau chiffre. Et c'était dur. Et donc, pour choisir, c'était forcément complexe. C'était un truc de malade. On a inventé des systèmes de vote avec des trucs de courte paille, des messages qu'on écrivait. Quand tu tires le bon truc, c'est bon, t'as droit de vote, ou je sais pas. On s'est grave. Un bonus. On a inventé des trucs. Il y avait de la corruption aussi. On a inventé une démocratie. Il y avait de la corruption aussi. Oui, bah, une démocratie. L'anarchie, la même chose. Mais en tout cas, on est tous très fiers. Au final, ça a été un sacrifice d'enlever tous ces morceaux, mais on en est content. On a gardé que le pur, la frappe. Et c'était combien de temps alors, donc en Ardèche, quand vous avez enregistré, vous êtes passé combien de temps là-bas? Deux semaines. Ouais. Deux semaines. 15 jours. Ouais. 15 jours, mais alors, ouais, donc ça a été forcément intensif quoi. C'était intensif. Nuit et jour, on écrivait. Ça va, on avait le jacuzzi, la petite piscine et tout. on dormait très peu, ça c'était pour ceux qui avaient posé leur couplet. Les autres qui avaient pas le droit. Ah oui, il y avait récompense en plus qui allait avec. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est nous-mêmes. On pouvait écrire aussi dans le jacuzzi. Ouais. Ça, c'était bien. Ouais, et des couplets. Tu sauras lesquels c'est si t'écoutes l'album, lesquels ont été écrits dans jacuzzi. Voilà. Et lesquels ont été écrits dans cave. Tiens, par exemple, le Comme Ça qu'on écoutait à l'instant. Ça ressemble un peu plus au jacuzzi, ouais. Ouais, voilà. Et je voudrais aussi vous couper juste pour dire un truc. Vas-y. À tous les gens qui veulent se procurer l'album d'Entourage et des t-shirts Entourage gratuits, rendez-vous devant la Fnac de Montparnasse. Il y a Candy Cotton et Abou qui vous attendent tout de suite. Maintenant, là? Maintenant, tout de suite. Tout de suite. Tout de suite, là. Et tous les jours de la semaine, il y aura des trucs comme ça. Voilà. Ils vont être à un nouveau spot tous les jours. Ça va changer. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les deux non-MC du crew. Donc Abou qui est en même temps Maître Sidibé, qui est en même temps humoriste, en même temps acteur, en même temps la famille. Et m'amène Kenji Cotton, qui est réel, que vous connaissez, qui est caméraman aussi. Et voilà, donc là ils sont postiches Fnac Montparnasse, allez les péter, il y a des albums. On va peut-être en passer un petit coup de fil dans un instant. Vas-y, on va essayer. Comment ça se passe? C'est pas les plus faciles à joindre, mais on va essayer. Vaut mieux aller à la Fnac si tu veux les attraper. C'est plus simple. Ouais, devant. ils sont là. Bon, et ben ils sont là pendant la durée de l'émission, peut-être un peu plus, je sais pas. Exactement. Allez-y, profitez si vous êtes du côté de Paris, région parisienne, devant la Fnac Montparnasse. Ça, pour ce soir, récupérer des t-shirts collecteurs de l'entourage. On avait dit quel morceau maintenant? On est sur du toujours là, je crois. Toujours là. C'était toujours là. Donc c'est quoi? On va vers Jacuzzi, on va vers la cave. Là on retourne à Paris. Là, on retourne à Paname. Là, il faisait gris, il pleut. On est à Paname. Mais en même temps, on est déterminé parce qu'on a un album. Voilà. Il est là. Bon, là, moi, je viens de sortir de manger une côte de bœuf. Pardon, Dean, on t'entend très mal. Non, moi, je dis que mon couplet, je l'ai écrit après avoir dévoré une énorme côte de bœuf. C'est l'allergie qui a fait la cuisson. Peut-être qu'elle est mal passée. Tu es un gourmet, parfois. Ou alors, tu as encore faim. Bon appétit, parce que je vois que tu. Merci bien. Il a dû avaler de travers. Tu es sur la côte de saumon, là, actuellement. Très bien. On écoute le morceau? Ouais, vas-y, c'est le morceau qui annonce un peu notre retour. Il s'appelle Toujours là. Simple et efficace. L'entourage, bébé. On n'est jamais parti. Débarque tel Michael dans Thriller, son vicié. Même les blondinés vont kiffer. V'là le son kiffé, jumpé, capital et province. Oui, Ray, mon capital est trop mince. Alors je reste là, fais ce que tu ne fais pas. Je suis à bord d'une Clio, je m'imagine en Maybach. Seuls les vrais gars font les vraies choses. Mets du crack sur des passes blanches et des pattes sur le réseau. Si je repars les pieds devant, tu vas te les prendre dans la gueule. Pédale, c'est mes Air Max qui vont me baffer pendant le battle. Le rap c'est décevant, jusqu'à ton c'est décevant. Tu ne peux pas pomper bêtement, même si t'as des talents d'acteur. Tu veux nous voir dépérir, mais à vrai dire c'est que les prémices. On apprécie les bénéfices de pouvoir réfléchir. Je fais pas partie de ces gens qui font blablater. Tu peux pas me mettre dans le même sac, non tu peux pas me saquer. Veux nous voir mort. On est toujours là. Veux nous voir mort. On est toujours là. Veux nous voir mort. On est toujours là. À bord de ma Clio, je monte sur mes grands chevaux. Si tu fumes la cigarette, on pousse, on fait les torsos. On veut nous voir mourir, mais j'aime pas très rapper. Et je vais pas m'étaler, protège la pourrie. Mon papa, moi, n'est pas un gangster. Juste dans le droit chemin, vous le savez comme terre. Laisse faire les grands, 75-0 aucun. Quand j'appelle le 15, moi c'est pour briser les gens. Tu as dit vouloir me cravacher la tête. Si tu mens une fois, on te croira plus jamais. J'ai du vécu et des mecs derrière one qui traînent avec des guns dans des Mercedes noires. Le soir, je marche seul avec mes rêves et espoirs. Je ne fais pas le thug et les vrais respectent ça. Toi, tu racontes de grandes histoires. On s'est vu vendredi soir. Tout ce que tu shootes, c'est des photos devant le miroir. Salope! Ils veulent nous voir morts, on est toujours là. Ils veulent nous voir morts, on est toujours là. Ils veulent nous voir morts, on est toujours là. Ils veulent nous voir morts, on est toujours là. J'enfuis l'état et leur extorsion de fond. Ici les torts sont bombés pour les potes, on fonce. Moi j'étais là jadis dans des ténèbres sataniques. Tu vas te faire aplatir. Si tu veux tester ma famille, j'assassine. Ça vient de là où les pétasses balisent. Vanté par la nuit, ça prend du cash contre des quêtes badachis. Je me demande pas chose qu'elle si c'est déjà fou dans mon assiette. Pareil, tu veux ma mort, qui veut ma paupière dans l'assiette. Nous sommes pas dans vos codes, mais nous butons vos scores. Ouais. Ils veulent nous tuer, mais n'exécuteront que nos ordres. Allez, allez. À quoi ça sert de jouer dingue? Reste cool, échange tes paires de Jordan contre une paire de couilles. Certains sont fous, vieux. La rage les infecte, ça peut partir en coup de feu. À chaque étincelle, face à nous commande pas terre. On reste autant que la terre. Notre règne commence à peine. L'entourage, jeunes entrepreneurs. Bang bang, dans les bacs. Jeune entrepreneur dans les bacs. Jeunes entrepreneurs, c'est le nom de cet album, le premier pour l'entourage, qu'on va découvrir toute la semaine entre 20 et 21, mais sinon il est déjà en vente, hein, l'album. On peut y aller dès aujourd'hui, on peut l'acheter en précommande, enfin pas en précommande, en commande légale. Sur iTunes, c'est sur toutes les plateformes et il est en écoute gratuite pour ceux qui préfèrent sur Deezer, Spotify et compagnie. Pour avoir un avis peut-être avant de l'acheter. Éventuellement. L'entourage jeunes entrepreneurs, qui est un petit peu, j'ai envie de dire, était chef d'orchestre de cet album, qui a... Bah, il y a Eve qui s'est bien donné sur toute la production du Scud. Depuis le début, il a eu le rôle de rassembleur un peu. Il a fédéré tout ce bordel pour arriver à quelque chose de sérieux, quoi. Chef G, on l'a appelé Chef G après tout ce qui s'est passé. Parce que là, il y a beaucoup d'animaux là en ma compagnie, tu vois. Ouais. C'est 10 équipes de lézards, 10 petits lézards qu'on essaie. Donc il fallait un moment serrer la vis. Serrer les vis. Ouais, faut serrer en fait, les vis de temps en temps. Eve, voilà, tu vois, il a cette force tranquille qui fait qu'il arrive à nous cadrer quand on part un peu tous en couille. Bah, il est aussi balèze, hein, je comprends. Ouais, il est balèze. On a du mais quand s'y met à plusieurs, on arrive à l'avoir. C'est plein de, il est en train de mettre plein de jolis mots pour dire que c'est un grand casse-couille, en fait. Ouais, mais tu vois, quand Eve, il en pouvait plus lui aussi, qui pétait des plombs lui aussi, il y en a qui prenaient le relais, Flav qui prenait le relais, Yabas qui prenait le relais, Jean aussi. tu vois, on était tous on a été franchement au maximum de ce qu'on pouvait faire en termes de discipline pour faire un album en si peu de temps, et c'était dur. Mais ça va, il y a pas de mauvaise surprise, même pendant ces 15 jours passés ensemble, vous êtes toujours surprise toujours, non, toujours on pote, se connaît, hein. Non, mais j'ai envie de dire, vous êtes toujours potes, ça fait longtemps qu'on se connaît, donc des mauvaises surprises, franchement. Il y en a eu, mais on savait déjà avant de partir qu'il y allait avoir des mauvaises surprises. On savait déjà lesquelles ça allait être, tu vois. On partait en guerre. Non, mais t'es fou, on est encore plus soudés que jamais. On est super fiers de ce qu'on a fait. Et on n'en revient pas quand on voit comment ça s'annonçait. Rien que le fait de déplacer le matos de Paname jusque là où on était, dans une montagne perdue, c'était une sacrée mission. D'ailleurs, DJ Elite, on le remerciera jamais assez. Il est là, je vois son œil. Voilà. Et ben, il est faut dire aussi, j'ai oublié, parce que pour la partie tout ce qui est discipline, etc., pas détruire la maison, c'était F. Mais Elite, c'est lui qui a grave supervisé tout l'album, qui a fait en sorte que les pistes arrivent, qu'on fasse le truc, qu'on arrive à mixer, qui nous a grave aidé, enfin tout simplement quoi. On a tout enregistré chez lui, donc imaginez le délire. J'aime bien le côté quand tu dis pour pas détruire la maison. Ah ouais, non mais j'allais quand même. Mais elle a quand même été détruite en partie. Hein. Tu sais pas. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe. C'est comme si on avait dit Diable de Tasmanie. Ouais, exactement. Mais vous étiez loin, à l'isolement un peu quand même, ou Ouais. Bah t'es en fait en haut d'une montagne. T'es... Ah oui, donc ça va. Quand t'avais du réseau, t'étais content. Y a pas de réseau. Pas de réseau en fait, non. C'est bien. Pas trop bougé non plus, quoi. Ouais, voilà, on a quand même bougé, hein. On avait juste une voiture pour aller faire les courses de temps en temps, pour pas avoir de faim. On pouvait pas tous entrer dedans. Et les courses, c'était Dooms qui prenait 6 manteaux, il mettait 6 McDonald's dedans. Ouais. D'ailleurs, il y a eu une grosse participation de Candy Cotton dans cette affaire-là aussi, dans le ravitaillement. Exactement. Un gros big up à mon pied, Candy Cotton, avec qui on a rodka pas mal de choses. On s'est rempli une armoire, parce que les communistes voulaient pas trop partager. Hein? Raconte pas les affaires d'État. Hein, le S-Croom s'est frappé. Candy Cotton, le compère qui est devant la FNAC Montparnasse en ce moment. Avec Abou, Maître Sidibé. On reçoit des photos là, il a commencé à poser des CD, des suites et tout ça pour les donner à la populace. Donc nous, on est un peu comme ça, on va faire des petites surprises comme ça. Et pour expliquer ce dont tu parlais, Dooms, on a fait il y a des espèces de clans dans l'entourage. Il y a les communistes, il y a les anarchistes. Il y a les diplomates africains qui retournent leur veste. Sans fin. Et voilà, et dans tout ce bordel, c'est F qui est un peu supervisé. Bon bah c'est bien, en tout cas c'est une belle histoire de potes qui se prolonge avec l'album. Exactement. Et c'est la sortie aujourd'hui. Est-ce qu'on attaque le live après la pub, ou est-ce qu'on met quand même un petit morceau avant d'attaquer le live? Ouais, il y a un Jim Morrison. Jim Morrison 75, ouais. Qui dit quoi? 75. FJ 75 Paname, et on a non 75 tout simplement, et on annonce le clip. Il y a un clip qui va sortir bientôt. Exactement. On vous donnera le jour précis très prochainement, en tout cas préparez ça cette semaine. Le track et enchaînez-vous. Vas-y, bah alors 75 Paname. Et bah 75 Paname, on l'écoute juste après la pub, et après on attaque le live, parce que vous m'avez promis un gros live pour cette c'est première. Sûr, c'est sûr. Ouais. DJ Elite sera au platine. Qui bougez pas. Freestyle. Ça arrive après ça. Comme toi, l'entourage a choisi Planet Rap. Planet Rap. 20h21h, tous les soirs sur Skyrock. On est avec l'entourage toute la semaine entre 20h et 21h avec le premier album du collectif parisien qui est sorti aujourd'hui. Il s'appelle Jeunes Entrepreneurs. On le découvre, on va passer un morceau 75 Paname dans quelques minutes. 75 tout court. Vraiment. Et en parlant du 75, on va faire un tour tout de suite du côté du quartier Montparnasse. Fnac Montparnasse, très Fnac précisément. Montparnasse. Deux soldats du L vous attendent. Cotton est là. Allô. Allô. C'est Candy Cotton. Ouais, je suis devant la Fnac de Montparnasse. On a On est là, je suis avec mon gars, Maître Sidibé, donc. Alors, quelle est l'ambiance devant la Fnac? Quelle est l'ambiance devant la Fnac Montparnasse? On a annoncé il y a quelques minutes. On a une dizaine de clients, mais faudrait dire à Tim qu'il a annoncé des trucs erronés. Hein. Il a dit qu'il y avait des trucs gratuits, mais c'est pas gratuit. Hein. Donc venez avec vos billets. J'ai l'impression voilà, qu'il y a une partie de l'équipe qui essaye de faire son business. Tranquille, achète-toi du matos. Il y a quelques minutes, c'était gratuit, les prix ont augmenté l'espace de 10 minutes. Donc voilà, devant la Fnac Montparnasse, jusqu'à quelle heure vous allez rester? On est dans une petite Gova noire. Dans quoi? Dans une petite voiture noire. Dans une petite voiture noire. Alors, il y a deux mecs dans une petite voiture noire devant Montparnasse qui bicravent des choses. Appelez les flics. Des bonnets, des pulls, tout. Des bonnets. Ouais, c'est la collection qui est arrivée il y a 10 minutes. Ah, ok. Tu n'étais pas au courant. Non, j'étais pas au courant. Bah voilà, regarde. C'est fou, t'en apprends tous les jours même d'ailleurs. Avec toute l'équipe. Bon, bah, jusqu'à quelle heure vous êtes là-bas? Tant qu'il y a des clients, on est là. D'accord, ok. On est là jusqu'à toute demain. La nuit, toute la semaine, ils seront jusqu'à là. Jusqu'à demain, toute la semaine. Ils ouvrent un stand. Il y a du bon textile soyeux qu'ils ont, faut venir. Et bon, bah tous là-bas, vous trouvez une voiture noire. Dedans, il y a deux personnes et plein de t-shirts, de pulls, des bonnets, même peut-être l'album aussi vous vendez. Ah oui, évidemment. Ah, on vend l'album, oui, il y a l'album, bien sûr. Évidemment, c'est ce qu'il faut vendre en majorité. Il faut courir. Donc si vous le voulez absolument cet album ce soir, si vous êtes du côté de Montparnasse ou de Paris, allez-y. Allez faire un tour devant la Fnac Montparnasse. Merci à toute l'équipe, merci à toi, Candy. Bonne soirée Fred. Et bah la soirée va être bonne puisqu'on met un autre morceau qui s'appelle Panam et juste après on attaque un gros 75. Gros live. Ça s'appelle 75. Oui, 75. Le clip arrivera. 75. Le clip arrive. Ah, y'a pas que la tour Eiffel. Ouais. La noirceur de la ville lumière. Les balles dragons des flingues. On s'aère au max dog. Viens, la taille de vin coûte plus cher que mon ancien salaire au McDo. Traverse la mer comme le tropique du Capricorne. L'amant des jolies princesses, la nuit des actrices porno. Allez embrasse-moi, yeah. Je suis ton cavalier. Si je suis allé en boîte, t'es pour travailler. Dieu merci, on s'en sort, yeah. Mon flot te détend, je suis une sorte de douche sans sort, yeah. 75 Paname. Je n'ai que des idées dans mes bagages. Qualifiez-moi de monsieur maintenant que c'est mon travail. Connu par leur meuf, beaucoup de jeunes ont vu mon lifestyle. Voyage, pavanance, quoi de plus banal. Je n'ai que des idées dans mes bagages. Qualifiez-moi de monsieur maintenant que c'est mon travail. Connu par leur meuf, beaucoup de jeunes ont dit mon lifestyle. Voyage, pavanance, quoi de plus banal. Mes frangins poussent des plaques, coupent les tailles des barrettes. Peuvent claquer des liasses dans le coupé, mais n'ont pas une pièce pour le parc mettre. Certains triment au sentier, creusent les tranchées à la pelle. On a grandi ensemble, j'aurais voulu nous voir avancer en parallèle. Les homies partis nous applaudissent. Tout là-haut, un frère au bar au concours du barreau. Avec son split, sa coupe afro. Mes ronds roulent la dope, les boucles sont cool, mais ne les pousse pas trop. Fougueur planqué sous le capot, jeune, je ne donne pas cher pour ta peau. Un grand doigt d'honneur à tous les ex-fraudeurs devenus contre. Frère, on est des grands auteurs, l'amitié dans nos cœurs, donc on défend nos rêves. C'est fini. Non, je n'ai pas de plan B, le fric. Que veux le faire en deux. On me dit que j'ai changé, je réponds, je suis le même en mieux. J'taffe à l'heure où les poivres dorment, mon plat c'est un hameçon à sous. C'est comme un vrai gravon, je la joue. Col en V, poil au torse. Ça s'appelle ça gazon d'amour. Gazon d'amour. Pas que votre port, y'a deux phrases que j'ai jamais dites. Pas trop fort et à vos ordres. Qui a fait ta fausse prod? Qui a écrit tes rap trop soft? Qui? Flippez pas, vite en vrille, comme en acrosport. Les filles sortent d'un film, elles sont dans le VIP avec le L apostrophe. Sec, c'est ma sec. Tu crois qu'on joue, tu te cours. Quête, on a remis la technique au goût du jour. On n'a rien inventé, certes, mais qui mérite plus ce foutu flouze. C'est pas ce que je profine quand je m'évade comme Michael Scofield. Je ne vois que des grosses putes, vision macroscopique. 75 Paname, je n'ai que des idées dans mes bagages. Qualifiez-moi de monsieur maintenant que c'est mon travail. Reconnu par leur meuf, beaucoup de jeunes ont vit mon lifestyle. Voyage, pavanance, quoi de plus banal. Paname. Je n'ai que des idées dans mes bagages. Qualifiez-moi de monsieur maintenant que c'est mon travail. Reconnu par leur meuf, beaucoup de jeunes ont vit mon lifestyle. Voyage, pavanance, quoi de plus banal. Paname. En concert à New York, en concert à Paris. J'ai une meuf à couronne, une autre à place d'Italie. J'ai besoin d'une boussole, je ne sais plus où j'habite. Je ne sais plus où j'habite. Je ne sais plus où j'habite. Lifestyle de Pacha, je m'amuse quand je travaille. Les rats, je suce tellement que tu peux nous cloner dans leur crachat. Pas toujours que de l'air dans mes poumons, je reste toujours le même. Monsieur tout le monde, je représente mon Paris. DJ Pan, on dit quoi? Paris, Paris la nuit. Je représente mon 700 Paris. One up all. C'est pour mon 7-5. 75 à l'instant, c'est extrait de l'album Jeunes Entrepreneurs avec aussi, l'entourage. Le clip arrive très bientôt. Il faut rester à l'affût. Bah, le clip, déjà, on peut se régaler. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés. Hein, yes, autour, il y en a pas mal. Autour de cet album. Et donc, le prochain arrive là dans les jours qui viennent. Ouais. Enfer, oui. 75. 75 en toutes lettres. Ça arrive et franchement, c'est notre meilleur clip, je crois. Ouais, vous pouvez aller sur l'entourage vidéo, checker, il y a déjà Jim Morrison, il y a Caramello qui est pas sur l'album, il y a toujours là, il y a Bal Masqué qui est sorti récemment avec un clip de Clifton Cream assez fou. Big up Cliff. Et qu'est-ce que j'en oublie, il y a même des sons qu'on a lâchés exclusifs, tout est sur l'entourage vidéo, faut aller checker sur YouTube. Bounce comme un boss. L'entourage, est-ce que vous êtes prêts tous pour le live maintenant? Ouais, on en peut toujours plus. Prêt. On en peut plus. Vous avez dit un gros live. C'est ce qu'on aime le plus. Ouais. DJ Elite est au platine. Plus d'instru, plus d'instru, plus d'instru. L'entourage, bébé, jeunes entrepreneurs, on dit quoi? À quoi ça sert de faire des battles contre les mythos? On est malade, pas le temps de se battre contre les micros. Moi je vais te faire refermer ta gueule et d'ailleurs. Je compte le bif, ok. Disons qu'on est disjoncté, qu'on gratte les rimes. Récolte les visions d'armée qui si loin de l'église ont taille. La mise à l'horizontale, mais les vraies causes de la vie sont ailleurs. On despote sur le disque, on se disloque. Ils disent flotter, j'ai mille noms dans mon death note. Faut pas qu'on glisse, non, puis c'est love dans l'assisement. Faut pas qu'on dise ce jonc à 17 ans en 10 secondes. Les établissements, pensent éduquer, ils se mentent. Près de la source, ils se lentent de l'assisement en 10 secondes. Personne ne peut stopper ma force, mais je vous cache ma rage. Comme tous mes côtés atroces et où je passe à l'acte. Car tout ça, ça marque, on résout pas sa life. En jouant le toré, adore les coupables bâtards. Rappelle-moi tous tes coups ratés, quand l'état voulait nous feinter. Vendetta de mes faux alliés, t'obligera à des fourraillés. J'ai coulé de la marchandise, depuis je me suis attendri. Faut pas que le matin me dise, venez vous droit, venez vous laver. J'ai la force H24, sous adrénaline. J'ai toujours de la gouache, je t'en mets de poudre à mes narines. J'veux soulager ma vie sans outrager la rime. J'ai la force pour taffer la nuit quand vous allez dormir. On est d'accord. Regarde qu'un canon de calibre. Comme une grosse baffe de maçon, j'arrive. J'suis devenu fou que les mecs de Londres. Paris m'a rendu sombre, accro du sang. Mais quand j'affronte, à qui que pour les cuffs, le bombe sera vite. Fond dans les catacombes quand les matons remplis. Et c'est mes péripéties, j'excite les filles. En passant, appelle-moi l'ennemi des flics, j'ai qui se dérive. J'prends l'argent. Pire qu'une épidémie, j'pèse qui laisse mi clé qui pèse. Ils dérivent, ils débitent, ils débilent, ils vivent ma chance. Et y'a pas d'autotune que les vases qui claquent ton gros cul. Tu cherches un endroit où me taper, poto. On va là sur YouTube. On débarque, on est carton, t'es pas de délire, qu'on est mort des gamos lotus. Gamos, la prochaine entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, jeune, jeune, entrepreneur jeune, jeune, entrepreneur jeune, jeune, entrepreneur jeune. Je comprends ma mène. Écoute ça, jeune entrepreneur. Depuis aujourd'hui dans les bacs, négro. Tu veux me comprendre ma mène? Je bois ton flouze, mets ta parole. Que tu vas pas mettre de parole. Même si c'est rare qu'on s'appelle, viens on fait ce qui se passe. Rempli de travée de zombies. Enlève ton masque, jette-moi dans les yeux, pas de tromperie. Et yo, qu'est-ce qui se passe? T'es plus qu'une coquille vide. Des nouveaux points, ton pompé l'âme, puis ton vif. C'est que les vrais qui savent ce qui se passe. Derrière tout nous, tu te reconnais, poto. Fais pas ton bourré. T'es qu'une poupée en tes mains, des pestos. Traite son de vraie balance. Ouais, je mettais de la bande. Ouais, ouais, ouais. Qu'on te saigne avant que tu mènes la danse. La mienne est éphémère, y'en a qui parlent derrière ton dos. Y'en a même qui te baisent et prennent ton cash. Bélègue mon sauce. Putain de merde, c'est quoi ce délire de merde? Nous sommes épaulés dans les mêmes dièses. On sait se dire de frère. Tous hypocrites, les gens hypnotisent. Leur masque cache leur émotion et se disent trop vite. Y'en a qui servent du charme et te font croire à des retards. Y'en a qui te cachent des choses. Et ouais, pour pas te faire mal, le faire mal. Dans le squat, dans le bois, dans le droit, dans le pif. Faut des valeurs, le malheur, t'arraches la peur de pif. Je n'ai pas de raison stressée, check. Hey yo, je n'ai pas de raison stressée. Mais face aux tentations. l'action, je vois mes démons pressés. Quand je rêve, j'ai l'impression de vivre. Quand je vis, j'ai pas l'impression de rêver. Je demande des réponses, mais il n'est pas question de t'aider. C'est ainsi dans ce monde, tout le monde se fait baiser. Même les meufs à principe pour le peu que tu insistes deux secondes. Malgré le ravin, je me maintiens dans la chute, mis dans sur ta joie de la gamme. Et faut que je parte loin dans la lune. Sur la planète Terre, c'est chacun dans sa bulle. Je regarde les passants en me baladant le matin dans la brume. J'ai mis du chagrin dans ma plume. Du temps sur chaque poème, j'ai pas vendu ma peau. Mais je fais des plans sur la comète, j'ai défendu ma promesse. Au plus planant de mes rêves, m'éloignant des ténèbres, par ma foi dans le dépassement et ma joie quand mon espace temps s'élève dans un environnement céleste. Défendant des textes poignants, ouais, faut croire en ses rêves jeunes. Entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, jeune, entrepreneur jeune, jeune, entrepreneur jeune, jeune, entrepreneur jeune, jeune, entrepreneur jeune, jeune. Quand Paris prend du solitaire, joue pas trop l'autoritaire. Nique ton profil, y'a plus de broly quand le broly prolifère. Cherche le profit en vitesse, fais le grossir. Sache que tes conneries mènent au tropique, ouais, mais aussi au cimetière, promis frère. Quand faut s'y mettre, faut être courageux. Je serai soulagé quand je serai devenu ce que j'ai envie d'être. Et pour l'instant, tu sais que je bosse dur, ni qu'un succès posthume. Donc même sur les routes, tu finis ma posture. On parle souvent de faire de l'oseille, mais on sait qu'il n'y a pas que ça qui nous aide à trouver le sommeil. On dit ce qu'on a à dire, puis vit ce qu'on a à vivre. On a l'âge de construire son avenir. Nique pas l'emploi, nique pas l'emploi. Filez-moi mes intermittents, nique pas l'emploi. Entrepreneur, l'heure est venue de vous annoncer que mon heure est venue. Je vous aurais prévenu, ça fait jeune. Entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, entrepreneur jeune, entrepreneur jeune. Au sud, s'agite, on se replie au sud, en famille. 95, slalom, entre l'orgie et la famine. Parfois c'est la dèche, il faut trouver des sous vite. Parfois y'a de la fraîche, mes gars roulent des bullshit. Moi, je touche pas à ça. Rime, rythme et chiffres, tu connais mes dièses. Je rêve de conquête, et chiant, joue la NASA. Zoom par là-bas. Des petits trafics se font dans l'ombre. Rimes organisées, métisées de fond en comble. Certains nous jalousent, peu nous arrive à la cheville. Les rappeurs qu'ils adouent finissent en arrêt maladie. Fais pas la boule, ta gomme kiffe et c'est elle qui me l'a dit. Je viens déclencher la vague de froid, la concurrence est sans abri. Ouais, jure. La concurrence est sans abri, sans abri. Tu vois, mec, je rappe même dans ta liste. Hein, fuck tes tentatives, en impro, je prends ta miss. C'est comme ça que ça se passe, tu vois bien, mec, final, je monte la miss. Yeah, c'est l'entourage, jeunes entrepreneurs, le genre de crew. C'est le spell, le genre de crew. Y'a pas de meneur. Et tu le vois bien, ça kick derrière, ça crie comme des bêtes. Une sacrée équipe, y'a que des têtes, y'a de la tech, ouais. J'attends, je gagne du temps, le temps que mon gardien balance des putains de trucs dans tes dents. Yeah, balance ça, big au beurre, big au beurre, beurre, big au beurre. Ici une bonne semaine, se commence avec une nouvelle perte semelle, se termine avec une perte femelle et de l'herbe fraîche. On hackard Cupidon, ma belle, on lui pique ses flèches avec, on te pique les fesses. Oui, c'est vrai, j'ai des petites gouttes. Tout pas, si j'écrivais un 16, chaque fois que je pèse, j'aurais la disco, tout pas. Shit, rose, tout ça, on a ça dans la poche, j'ai plus besoin de blabla quand j'accoste. J'ai une passe fan, un clip en télé, les petites meufs adorent. Ils me parlent pas d'un bus de tournée, s'il y a pas d'irref à bord. Ce qui m'arrive, j'en ai rêvé, sans trop l'espérer. Mais je suis meilleur que tous ces pédés depuis l'époque des VSP, les pédés. Je rêve de fédérer les frères de toutes les teintes. Foutre le feu, les regarder tout éteindre. 26 balais, je laisserai leur game en sale état. On squatte le haut du building, les autres palais en bas. Jeune, entrepreneur, encore un soir où je tente d'écrire, mais ma page reste blanche. Peu d'inspire, le ventre vide, il me reste à sacher avant. Je me dirige vers le 6, là-bas, un Los Bar m'attend. Je vais me remplir le but dès le frigo. Devant la banque, on se voit. On monte chez Los, la transaction se passe en bas. Et je fonce dans le trou, on me rejoint tout méga en bas. Ça roule des cônes, nous devrais-je plutôt dire des battes. Goûte cette dope qui me fait relativiser. Le mal, c'est le mal, on sait tous, mais cela dit, j'y vais. Fuck tes probabilités, je tenterai ce pari risqué. Faut des pépettes pour grailler, je suis pas du style letto. Ma conscience pour moi, donc c'est le même frérot. Ces innocents remplis de culpabilité. Ce qu'ils font, c'est dire aux gens de mentir pour l'unanimité. Ma femme même, enfin j'essaye de m'en persuader. Mais quand j'ai vu sa vraie nature, j'en ai perdu la tête. C'est dommage, elle m'a plaqué pour un autre en me faisant passer pour un pauvre. Putain, quelle connasse, j'ai la haine contre ces gens faux. Échange leur bien-être contre tes sanglots. Ouais, tu n'as pas d'humilité et agis par cupidité. Croyez t'avoir purifié, je réalise ma stupidité. Dites-moi qui sont les coupables, qui sont les fautifs. Je vais les enterrer sous le sable, c'est ma vision d'égoïsme. Zéro, je te promets que je pourrais tuer de mes deux mains ceux qui voudraient porter l'œil à la prunelle de mes yeux. J'ai pas rempli mon portefeuille, j'ai juré que je le ferai demain. Fuir mais rester serein dans la hurle, très peu de chemin. Tous les jours fuir la mort de peu, rester fort, faire renaître le bien. Je vois les corps des pauvres dehors, je ressors la fumée de mes yeux. Joint pour sécher mes larmes, un point de vue qui frappe l'audition. J'étais un moins rien, j'ai cherché mes talents. Les profs, ils voulaient réfréner mes ardeurs, mais je préférais être rappeur et j'ai fait mes galons. Hey, ça t'est égal d'être du côté des spectateurs. T'as ta taille, ta play, ta flemme, être KF, t'es crash. Il faut que tu cogites même sous gros shit, viens. Il faut que tu t'oxygènes, ton quotidien est toxique, faut que tu profites bien. C'est pas possible d'être aussi blême, c'est l'entourage. Je regrette de pas avoir voté, fuck le FN, mon père. C'est la France offensée. Oh Dieu, libère-moi de mes peines. Je vagabonde dans les catacombes, à milieu du jardin d'Éden. J'ai perdu l'appétit, mes jours se creusent. La vie n'est pas toute heureuse, mais douloureuse, pleine de tragédies. J'ai laissé tomber la paix, j'emmerde la raison et je marche avec le démon. Car ici, même le béton est armé. À force serrée, tu fautes, y'a plus d'amour car il fait du mal. Aimer une femme, qui en aimer une autre. La vie c'est fatigant, trouver de la conce, la rouler dans l'ombre et tourner en rond en bas des bâtiments. Malgré le sale temps de merde, la chaleur m'en sert. Car je manque d'air comme si je crame dans les flammes de l'enfer. Ma joie est morte dans le drame, au revoir, je m'en vais autre part. J'ai des cauchemars et de la drogue dans le crâne. Y'a plus de drôlerie, mais que des larmes. Mec, file-moi une balle, que j'atteigne une autre vie. Jeune, entrepreneur, jeune, entrepreneur, jeune, entrepreneur, jeune, entrepreneur, jeune, entrepreneur, jeune, jeune, entrepreneur, jeune, jeune, entrepreneur, jeune, entrepreneur. On est dans cette pute, entourage papy. Yo, yo, yo. Ouais, ok. Non, personne reprend le mic. Demande s'il arrive, il te lâche des fans. Trou sale, pétale, ça bitch up, t'es tournable. Écoute, ça fait blair. Rien qu'on fait des classiques. Quoi? Escrew, le nom de mon camp, y'a que dans l'ombre qu'on tranche. Pour pas finir aux racines. Souvent dans un camouflage, vert kaki. L'ampleur c'est pour rien, t'es tout grâce à viser de la weed. Ici tu perds ta vie, on te nique ta mère. Une bonne paire de Nike dans la tête, c'est facile. Le lust est entouré, donc on fait ça à notre manière. Tout le L est entourné, donc prenez garde à vos arrières, bitch. Et toi, dis-moi pourquoi tu cours. On est au festival de Cannes, toi tu traînes à la foire du trône, c'est vrai. Hein, c'est vrai, on revient du festival. On est passé faire des concerts avec le escro, ça se passait à Vannes. Écoute les phrases, nous-mêmes tu sais que c'est le télépathe, rien à foutre de ses chemettes. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. On est posé à Paname nos guides. L'entourage qui sort le freestyle, c'est nice. Donc, jeunes entrepreneurs, il faut pas que tu bégayes. Y'a qui kicker mes rêves, vas-y, faut que ça les gaye. Peur, bigo, yeah. Entrepreneur, yo. Ici on a plus le temps de danser. Contre tout le monde on a une dent. Insultant, même plus le temps de penser. On voit rétrécir nos vies. Avancer demande des efforts. Réfléchir aussi, on préfère épaissir nos spliffs. Rap Batman, on devient fou. À tourner en rond comme là-bas, quel 45 tours. Les poches à sec dans un pain de foule. Il voit se profiler la ligne d'arrivée. J'ai déjà fait 15 tours. Je viens d'où l'échec est une logique évolution. De là où on prend les problèmes pour des solutions. Ma flyness faudra des années pour que tu la tailles. Je me branle pendant des semaines. Puis je fais le taf d'un mois, une après. Rime flow, je suis un genre de mutant. Bigo rime avec hypnose. Style chaud, je vais manger, tu le sens. Illico, je savais que les big shows allaient prendre du temps. Mais mes gars sont des petits pros, les autres des grands débutants. Bigo, à l'Olympia le 14 juin, l'Olympia, putain de merde. Venez tous, il y aura pas de tournée. 14 juin, l'Olympia. Jeunes entrepreneurs, okay. La vie m'a appris à ne jamais tourner le dos. Y'a que le mur qui peut mater mes fesses. Mais je laisse la pédave cramer tous mes neurones. Ouais, je préfère ça que de me gratter les veines. Je fais ce que je fais le plus, gratter des cesses qui te pètent le cul. Ouais, sans cesse on encaisse, mais je reste concentré. J'ai une tête et un sexe de mule. J'ai souffert dans le calme. Ça prouve que mon parcours est crédible. Coup de pelle dans le crâne. Fais jaloux, sois ouvert d'esprit. Si tu banalises ce que je dis, on te malmène jusqu'à ramper dans le cannabis. Fleurie, photo, ça freine la santé. Véritable vécu, j'en garde les stigmates. Depuis j'apprécie les paysages et je fume de l'herbe médicale. On reste insaisissable et têtu, toujours en indéminable. Partager qui tape des thunes comme dans Breaking Bad. J'étais ton minette en toute modestie. Là j'y prends goût. J'ai l'expression directe depuis que mon esprit est parti en couille. Jusque là j'étais t'aimer, mais t'as blasphémé. Je t'avais dit que personne ne pourrait m'arrêter. Rage, je t'offre le droit de te moquer. Tu passes le pas de ta CP. Hype, je connais le tableau. Nique un vernissage. Il y a des billets à ma table. Mi pervers, mi sage. Ramène tes copines ce genre de bonheur. Fais-le pour mes potes, ils sont balés. La pute habite une chambre de bonheur. Mais je suis rentré dans son palais. Quand tes parents sont pas là, un son calé. Et mon son calé. T'enlever sans mes mains, c'est un câlin. Pour les rats sur le sol, y'a du son palin. Before, after. Les bouches se collent, les connes se bougent. Quand les connes rigolent, l'économie coule. Dès que la nuit tombe, les connes rigolent. Les collègues colériques, connes se couchent. Si t'as raté les gros tuyaux, c'est tiré par les groupies. La masique à la télé, y'a pas de fumée sans feu. Sans feu pour la cigarette électronique. Invasion, prépare l'invasion. Vas-y, les filles dans le lit, dans le viseur des nazis. Invasion, prépare l'invasion. Vas-y, les filles dans le lit, dans le viseur des nazis. L'île de France, c'est pas le désert, ici le but crique et rapport du paix. L'île de France, c'est pas le désert, ici le but crique et rapport du paix. L'île de France, c'est pas le désert, ici le but crique et rapport du paix. L'île de France, c'est pas le désert, ici le but crique et rapport du paix. L'invasion, prépare l'invasion. Des filles dans le lit, dans le viseur des nazis. Vas-y, pas mal, allez. Je suis dans une suite de malades. Canapé en cuir, tous ces cuisses de mama, odeur de oui, de salade mélangée à l'huile, de massage sage. Mais quand on se rapproche, on est tous en sueur. Ça prend tout son sens pour ma puissance. Je mets pour rapport dans la distance. Quand t'avances, je veux entendre oui, mon maître, où tais-toi. Fais ça gentiment, tu seras une petite poulette qui décoiffe. Déscolarisé, revers Renoir, Babtou, Romain, Michel, dans les halls la misère. On manigance pour les lobes, Abigail, pour les modalités, pour la moralité. Germa dans le bolide. Oli, noir et beige. Sors nous ton regard exotique. Tu veux nous ressembler, bande de nazes. S'il y a des formes mûres, je peux prendre de l'âge. Si t'es comme ça le pute, tu peux prendre ton karma. S'il y a pas de pute, tu restes un gentleman. Tour au flanc sur 5 gars. J'ai des montres à 5 plaques avec mon équipe de Gilles Dasremont et tous mes gars de Saint-Anne. On foutra tous ce derroir. Roule le bout de ta grave. Et ça doit avoir les boucles du crew sur ta gueule. Sur la piste, y'a moule de moule de ta gueule. Moule de moule de ta gueule. Que des boules de fou, des bouches, des goûts. Batman disait je t'emmerde, je rentre à ma maison. Douma me dira je t'emmerde, je rentre dans ta maison. Yeah, l'entourage, putain de yeah. Invasion, prépare l'invasion. Des filles dans le lit, dans le viseur des nazis. Écras, Hax les ventreurs, jeunes entrepreneurs, Hax les ventreurs, jeunes entrepreneurs. Faut bien croire tout ce qu'on dit. Oui, Paname, c'est Brooklyn. Parce que le cash te braque des rageurs quand c'est la reste la routine. Ramène le pas de la routine. C'est pas trop ma cam, gars. Moi j'aime de la grosse rap, ça. J'aime les massages shooting. On fuck le rap game. C'est bien mes crash, tes tricks. J'vais t'éclater ta vessie. Si tu fais le bras avec ta déquipe, on a de l'équipement. Vois pas amnésique. Si tu baves sur un métier, tu seras un plat appétit. Nous de Lyon. Sur la bêta, sur ton compte à que dalle. Sale mythomane, sors ton bifton. Tu montres aux sales crevards. Restez tous entre là, je vous fous les tégras, les grands. Rendre le croûte tétraplégique, paralysé quatre mains. Fichez le camp, d'épouvantable idées me hante. Prendre un couteau et te déchiqueter le ventre. Si j'ai le temps, mec, je cite les jambes. Je perds l'équilibre entre le ying et le yang. On est tous faits d'ombre et lumière. On fait que lutter dans les bas-fonds de l'utesse. Débilement pour des billets de banque, pour des billets de banque. Laisse-moi vider le grand, laisse-moi vider le grand. Viens pas gratter l'amitié. Vraiment que tu soignes de cette aspectalité. On va faire un tour dans ma case d'escalier. Je ne savais pas qu'on serait ce nom. Ramène une pote, une vraie gueulon. Ramène une pote, même à l'aideron. J'ai des chiens de la casse qui l'aideront. La télévision vous désinforme. Les poulets aiment se battre puisque réservé à nos blous. On s'y met dans les règles de l'art. Mec, on le fait ton armure. Si t'es un homme, je pourrais tout ce que tu es, ne me sentez pas. Sale en prise, je vous carbonise. Je ne verte plus avec la folie. J'ai sauté d'une falaise en lui mettant des doigts. Jeunes entrepreneurs. Et du bordel, la liberté. Jeunes entrepreneurs dans les bars. parle invasion. C'était la première session live. Olympia 14 juin, Et en effet, on l'a pas dit, mais il y a un Olympia de prévu le 14 juin pour l'entourage, pour vivre un petit peu de ce qu'on vient de vivre en freestyle et sur scène cette fois-ci. Et voilà, pire encore. Et pire un détail de taille à signaler, c'est que il y a pas de tournée programmée encore avec l'entourage. Donc ceux qui veulent voir l'entourage jouer jeunes entrepreneurs sur scène, ça se passe le 14 juin à Londres. En même temps, je me dis que vous réunir, c'est aussi un enfer. Donc c'est pas juste ça, c'est que l'entourage ne fait pas de tournée, l'entourage fait des événements. Là, il y a un événement à l'Olympia le 14 juin. Et je vous promets que vous avez jamais vu ça. Tous ceux qui sont venus nous voir, il y en a qui nous aimaient pas à la base, il y en a qui nous connaissaient pas. On va tout le monde est d'accord sur scène, on nique tout. Donc venez le 14 juin à l'Olympia. 14 juin, Olympia, il reste quelques places. Venez. Et il y aura du lourd en invité, je vous promets. Vous allez voir. Dépêchez-vous de prendre des places pour le 14 juin prochain. Pour aller voir la seule date unique pour l'instant de l'entourage. À Paris, en tout cas, pour l'instant sûr. Avec l'album Jeunes Entrepreneurs, ouais. C'est ça. Et vous allez aussi revenir demain, il y aura du live à pas louper entre 20 et 21. Et je reviens avec Alpha. Il y aura Alpha cette fois, le Don sera le cracheur de feu. Attention, de Don Dada. Ouais, voilà. Mettez des protections au micro, ça va cracher le feu. Et le feu bleu. On suivra ça. Et là, juste avant de se quitter, on fait tourner la fameuse. La salope. La salope. La roulette. La coquinette. Tout bien, on est prêts. Avec Terence de Rancé. Salut Terence. Salut Fred, ça va? Ça va bien. Salut l'entourage. Ça va pas, gros? Ça va en forme? Ça va les gars? Tu as entendu ce live de Grand Malade ou pas? Ah, c'était un truc de fou, c'était magnifique, hein. Franchement, ça envoie. Ouais, je vois les messages qui n'arrêtent pas de défiler. Merci. Trop lourd. Je crois que nous sommes en deuxième en TT, c'est un véritable carton. C'est incroyable. Oh, il faut passer un son entourage en playlist alors sur ce cas. Et la porte en face pour les demandes. On va aller voir merci. On va aller voir le grand chien Solélé là de messages. On fait tourner la roulette, c'est parti? Ouais. On va la faire tourner. Ouais. Allez, tourne. Tourne encore. Allez, tourne. Tourne. On va la faire tourner comme Jack Daniels. Bien fait tourner, j'adore. C'est vrai que c'est bon pour la voix, c'est au miel. Ah, c'est super bon celui-là. Le miel est bon. C'est seulement pour la voix, hein. C'est pas du tout pour l'effet. Non, certainement pas. Non. Terence. Ouais. Et deux places pour aller voir Kev Adams au Zénith de Saint-Etienne le 7 octobre, c'est pour toi. Super, putain, tu vas te marrer. Ah, il y en a qui perdent à la Sky Roulette en fait. Je rigole. La blague était signée Nekfeu. Je balance. Merci à vous en tout cas pour cette première soirée. Merci à toi, Terence. De rien, je peux faire un petit dédié. Vas-y, on t'écoute. Je vais me petit dédié à mon frère qui m'écoute à côté et un de ses potes, Maxime, qui m'écoute sûrement. Voilà. Et à plus, Terence. À bientôt. Merci. Ciao, passez une bonne soirée. Merci à vous, toute l'équipe de l'entourage. Merci à toi. Merci à toi. On vous attend demain, un petit peu avant 20h, comme chaque soir, pour cet album qui est numéro 1 des ventes actuellement, là, sur. Numéro 1, jeunes entrepreneurs dans les bacs. Gildas, loin du. Vraiment. Et je rappelle, pareil pour ceux qui sont à Paris, évidemment, le 14 juin, et là, ce soir, ils sont devant la Fnac Montparnasse. Si vous voulez avoir l'album tout de suite, avoir les t-shirts, les sweats, il y a deux membres de l'entourage. Dans une voiture noire. Essayez de les trouver, vous aurez peut-être des gifts. Merci à vous, en tout cas, messieurs. Merci, Fred. À bientôt. Bonne soirée, pas demain, un petit peu avant 20h, et là on va retrouver Difool qui est là. Les numéros 1 de retour demain. Oui, de retour. Demain dans Planète Rap, juste avant 20h. Merci l'entourage, merci Fredo. Merci à toi aussi. Bon, vous allez bien? Très bien, et toi? Bah écoute, ça va, c'est lundi, tranquille. On est content de vous retrouver. Ça fait plaisir. L'entourage à retrouver demain, juste avant 20h, sur Skyrock. Et devant la Fnac, pour ceux qui sont à Paris, dans pas longtemps. Montparnasse. Voilà. Et bah profitez. À demain soir, les gars. À demain. À demain, Fredo. Ciao, à demain. Et là, je vois que toute l'équipe est là, la Marie plus belle que jamais. Merci. Romano exceptionnellement velu aujourd'hui, mais beau comme d'habitude. Karim qui est prêt aussi. Ouais. Samy aussi. On a nos places de foot à vous filer pour aller voir le match de demain. Match qu'on suivra demain en direct dans l'émission France-Norvège. Et puis on a plein de choses à faire les ensemble. Allez les bleus. C'est parti là. Et venez tout déchirer. C'est parti pour la Radio Libre aussi. Vous nous appelez, vous nous laissez des messages. On arrive tout de suite avec les Marine Monsters. Wow. Et Maître Gims. Quelle chance. C'est pour commencer, ça s'appelle pour commencer, donc on a décidé de démarrer avec, c'est pas mal. Voilà. Très bien. Allez, c'est parti tout de suite sur Skyrock. À toutes.